11 C. Il préfère. Activité préférée. Matière. C'est musée. Découverte. Rue piétonnière. L'atmosphère. La rivière. Des randonnées. La première. Équipe. Une discothèque. Célèbre. En été. Eugène.